quelque chose en puile ne tourne pas en rond. Un je ne sais quoi qui me laisse con. Quelque chose en puile ne tourne pas en rond. Mais autour de puile, tout tourne si rond. J'aime encore mieux ça. Oh, je préfère ça. Oui, j'aime encore mieux ça. Car c'est vraiment puile. Et rien d'autre que puile. Non, rien d'autre que puile. Que puile. Non, rien d'autre que puile. Quelque chose en puile ne tourne pas rond. Mais dans ces patins ronds, moi je fais ronron. Quelque chose en puile ne tourne pas rond. Mais autour de puile, toi tu fais un rond. Les balles donnent des fusils de chasseurs. La vie de Cupidon et son oreille.